D'après les masses médias sud-coréens comme KBS, CBS et MBC, la sixième action pan nationale a commencé le 3 partout en Corée du Sud, surtout à Séoul, sous les auspices de l'action de la population d'urgence pour la démission du pouvoir de Park Geun-hye. Cette organisation a publié que le nombre des participants au rassemblement à la bougie compte plus de 2 120 000 au niveau national, dont 1,7 million à Séoul.